Les amours du chevalier de Faublas, de Louvet de Couvray. Chapitre 1er. On m'a dit que mes aïeux, considérés dans leur province, y avaient toujours joui d'une fortune honnête et d'un rang distingué. Mon père, le baron de Faublas, me transmit leur antique noblesse sans altération. Ma mère mourut trop tôt. Je n'avais pas 16 ans quand ma sœur, plus jeune que moi de 18 mois, fut mise au couvent à Paris. Le baron qui l'y conduisit saisit avec plaisir cette occasion de montrer la capitale à son fils pour l'éducation duquel il n'avait rien négligé jusqu'alors. Ce fut en octobre 1783 que nous entrâmes dans la capitale, par le faubourg Saint-Marceau. Je cherchais cette ville superbe dont j'avais lu de si brillantes descriptions. Je voyais de laides chaumières très hautes, de longues rues très étroites, des malheureux couverts de haillons, une foule d'enfants presque nus. Je voyais la population nombreuse et l'horrible misère. Je demandai à mon père si c'était là, Paris. Il me répondit froidement que ce n'était pas le plus beau quartier, que le lendemain nous aurions le temps d'en visiter un autre. Il était presque nuit. Adélaïde, c'est le nom de ma sœur, entra dans son couvent où elle était attendue. Mon père descendit avec moi près de l'arsenal, chez Monsieur du Portail, son intime ami, de qui je parlerai plus d'une fois dans la suite de ses mémoires. Le lendemain, mon père me tint parole. En un quart d'heure, une voiture rapide nous conduisit à la place Louis XV. Là, nous mîmes pied à terre. Le spectacle qui frappa mes yeux les éblouit de sa magnificence. À droite, la Seine à regret fugitive. Sur la rive, de vastes châteaux. De superbes palais à gauche. Une promenade charmante derrière moi. En face, un jardin majestueux. Nous avançâmes. Je vis la demeure des rois. Il est plus aisé de se figurer ma comique stupéfaction que de la peindre. À chaque pas, des objets nouveaux attiraient mon attention. J'admirais la richesse des modes, l'éclat de la parure, l'élégance des manières. Le baron me montrait une foule de monuments célèbres. Tant de chefs-d'œuvre m'étonnèrent d'abord, et bientôt ne m'inspirèrent plus qu'une froide admiration. Sait-on bien, à 15 ans, ce que c'est que la gloire des arts et l'immortalité du génie. Il faut des beautés plus animées pour échauffer un jeune cœur. C'était au couvent d'Adélaïde que je devais rencontrer l'objet adorable par qui mon existence allait commencer. Le baron, qui chérissait ma sœur, allait presque tous les jours la demander au parloir. Toutes les demoiselles bien-nées savent qu'au couvent on a de bonnes amies. Beaucoup de belles dames assurent qu'il est rare d'en rencontrer ailleurs. Quoi qu'il en soit, ma sœur, naturellement sensible, eut bientôt choisi la sienne. Un jour, elle nous parla de Mademoiselle Sophie de Pontis et nous fit de cette jeune personne un éloge que nous crûmes exagéré. Mon père fut curieux de voir la bonne amie de sa fille. Je ne sais quel doux pressentiment fit palpiter mon cœur lorsque le baron pria Adélaïde d'aller chercher Mademoiselle de Pontis. Ma sœur y courut. Elle amena. Figurez-vous, Vénus a 14 ans. Je voulus avancer, parler, saluer. Je restais le regard fixe, la bouche ouverte, les bras pendants. Mon père s'aperçut de mon trouble et s'en amusa. « Du moins, vous saluerez, » me dit-il. Mon trouble s'augmenta, je fis la révérence la plus gauche. « Mademoiselle, » poursuivit le baron, « je vous assure que ce jeune homme a eu un maître à danser. » Je fus tout d'abord déconcerté. Le baron fit à Sophie un compliment flatteur. Elle y répondit modestement, et d'une voix altérée qui retentit jusqu'à mon cœur. J'ouvrais de grands yeux étonnés, je prêtais une oreille attentive. Ma langue embarrassée demeurait toujours suspendue. Mon père, avant de sortir, embrassa sa fille et salua Mademoiselle de Pontis. Moi, dans un transport involontaire, je saluai ma sœur et j'allais embrasser Sophie. Le baron me regarda d'un air étonné. Le front de Sophie se couvrit d'une aimable rougeur, et pourtant un léger sourire effleura ses lèvres de rose. Nous revînmes chez Monsieur du Portail. On se mit à table. Je mangeais comme un amoureux de 15 ans, c'est-à-dire vite et longtemps. Après dîner, je prétextais une indisposition légère et je me retirais dans mon appartement. Là, je me rappelais librement Sophie et tous ses charmes. « Que de grâce, que de beauté !» me disais-je. « Sa charmante figure est pleine d'esprit et son esprit, j'en suis sûr, répond à sa figure. Ses grands yeux noirs m'ont inspiré je ne sais quoi. » C'est de l'amour, sans doute. Ah, Sophie, c'est de l'amour, et pour la vie. Revenu de ce premier transport, Je me souvins d'avoir vu dans plusieurs romans les effets prodigieux d'une rencontre imprévue. Le premier coup d'œil d'une belle avait suffi pour captiver les sentiments d'un amant tendre, et l'amante elle-même, frappée d'un trait vainqueur, s'était sentie entraînée par un penchant irrésistible. « Sophie, m'écriai-je, je sens bien que je vous aime. Mais avez-vous partagé mon trouble et mes agitations ?» L'air dont je m'étais présenté n'était pas très propre à m'inspirer beaucoup de confiance. Mais sa jolie voix, d'abord altérée, qu'elle avait eu peine à rassurer par degrés, ce doux sourire par lequel elle avait paru applaudir à ma méprise et me consoler de ma privation. Je m'étais approché par hasard de ma fenêtre. Je vis le baron et M. Duportail se promener à grands pas dans le jardin. Mon père parlait avec feu. Son ami souriait de temps en temps. Tous deux, par intervalles, jetaient les yeux sur mes croisées. Je jugeais qu'il était question de moi dans leur entretien et que déjà, peut-être, mon père avait soupçonné ma passion naissante. Cette idée m'inquiéta, beaucoup moins pourtant que celle du départ de mon père, que je croyais prochain. Quitter ma Sophie sans savoir quand je pourrais jouir du bonheur de la revoir. Mettre plus de 100 lieues entre elle et moi. Je n'y pus penser sans frémir. 1000 réflexions douloureuses m'occupèrent toute la soirée. Je soupais tristement. J'ignorais encore les plaisirs de l'amour et déjà, je ressentais ces inquiétudes mortelles. Une partie de la nuit se passa dans les mêmes agitations. Je m'endormis enfin dans l'espérance de voir ma Sophie le lendemain. Son visage vint embellir mes songes. L'amour, propice à mes vœux, daigna prolonger un si doux sommeil. Il était tard quand je m'éveillais. Je n'appris pas sans chagrin qu'on m'avait laissé reposer parce que mon père était sorti dès le matin et ne devait rentrer que le soir. Je me désolai tout bas de ne pouvoir faire une visite à ma sœur quand M. Duportail entra. Il me fit 1000 amitiés et me demanda si j'étais content de la capitale. Je l'assurai que je ne craignais rien tant que de la quitter. Il me déclara que je n'aurais pas à se déplaisir, que mon père, jaloux de donner une éducation très soignée à l'unique héritier de son nom et de veiller de très près au bonheur d'une fille qu'il aimait, avait résolu de se fixer à Paris pendant quelques années et que pour y vivre d'une manière convenable à un homme de sa qualité, il allait faire sa maison. Cette bonne nouvelle me causa une joie que je ne pus dissimuler. M. Duportail en modéra l'excès en m'apprenant qu'on avait commencé par me choisir un honnête gouverneur et un fidèle domestique. À l'instant même, on annonça M. Person. Je vis entrer un petit monsieur sec et blême, dont la mine justifiait pleinement la mauvaise humeur que m'avait inspiré son titre. Il s'avança d'un air grave et composé, puis d'un ton lent et mielleux, il commença. « Monsieur, votre figure ?» Content du mot qu'il avait dit, il s'arrêta, cherchant le mot qu'il allait dire. « Votre figure ? Répond de votre personne. » Je répliquai fort sèchement à ce doux compliment. Privé du bonheur de voir Sophie, je ne trouvais d'autre ressource que le plaisir de m'occuper d'elle, et M. l'abbé venait m'enlever cette consolation. Je résolus de le pousser à bout. Dès la première journée, j'y réussis pleinement. Le soir, mon père daigna me confirmer de sa propre bouche les arrangements qu'il se proposait. Il me signifiait en même temps que désormais je ne sortirais plus qu'avec mon gouverneur. C'était m'avertir de l'intérêt que j'avais à le ménager. Ma situation devenait critique et mon amour, irrité par les obstacles, semblait s'accroître avec ma gêne. J'avais fait d'assez bonnes études. Mon gouverneur présomptueux s'était chargé du pénible emploi de les perfectionner. Heureusement, j'eus lieu de m'apercevoir, aux premières leçons, que le disciple valait au moins l'instituteur. « Monsieur l'abbé, lui dis-je, vous êtes capable d'enseigner autant que je suis curieux d'apprendre. Pourquoi nous gêner mutuellement? Croyez-moi. Laissons là des livres sur lesquels nous pâlirions gratis. Allons voir ma sœur au couvent et si Mademoiselle Sophie de Pontis vient au parloir, vous verrez comme elle est jolie. » L'abbé voulut se fâcher, mais profitant de l'avantage que j'avais sur lui. « Vous n'aimez pas l'exercice, à ce que je vois, lui répliquai-je. Eh bien, restons ici. Mais ce soir, je déclare à Monsieur le Baron l'extrême désir que je me sens d'avancer dans mes études et l'insuffisance absolue de celui qui s'est chargé de m'éclairer dans mes travaux. Si vous niez, je demande un examen que mon père lui-même nous fera subir. » L'abbé fut atterré de la force de mes derniers arguments. Il fit une grimace épouvantable, prit sa petite canne et son humble chapeau. Nous volâmes au couvent. Adélaïde vint au parloir, accompagnée seulement de sa gouvernante, qu'on appelait Manon. Cette fille était une vieille domestique de ma mère et nous avait élevés. Je la priais de nous laisser, elle m'obéit sans peine. Restait le maudit petit gouverneur qu'il n'était pas possible d'éloigner. Ma sœur se plaignit qu'on eût laissé passer plusieurs jours sans la venir voir. Elle m'étonna en m'apprenant que le baron l'avait négligée autant que moi. Nous pensâmes qu'il fallait qu'il fût bien préoccupé de ses projets nouveaux pour avoir oublié sa chère fille. « Mais vous, Faublas, me dit Adélaïde, qui vous a retenu ces jours-ci? Boudez-vous votre sœur et sa bonne amie? Vous seriez un ingrat. » Mademoiselle de Ponty s'est sortie. Revenez nous voir demain. Surtout, prenez garde aux méprises, et Sophie tâchera de vous faire votre paix avec sa vieille gouvernante, qui ne vous a pas encore pardonné vos distractions. » Je dis à ma sœur qu'il fallait obtenir mon congé de M. l'abbé, que la rage du travail possédait sans relâche. Adélaïde, croyant que je parlais sérieusement, adressa à mon grave instituteur les plus vives instances que j'excitais par les miennes. Il soutint le persiflage plus paisiblement que je ne l'aurais cru. Je remarquai même que lorsque je parlais de revenir, il observa qu'il était encore de bonne heure. Cette complaisance me réconcilia tout à fait avec lui. Mon père m'attendait chez M. du Portail pour nous conduire dans un hôtel fort beau qu'il venait de louer Faubourg Saint-Germain. Je fus mis le soir même en possession de l'appartement qu'il m'y avait marqué. Je trouvai là Jasmin, ce domestique dont on m'avait parlé. C'était un petit garçon de bonne mine. Il me plut au premier coup d'œil. « Boudez-vous votre sœur et sa bonne amie? Vous seriez un ingrat, m'avait dit Adélaïde. Je me répétais 100 fois ce reproche et le commentais de 100 manières différentes. Il avait donc été question de moi. On m'avait donc attendu. J'avais donc été désiré. Que la nuit me parut longue, que la matinée fut mortelle, quel tourment d'entendre sonner les heures et de ne pouvoir hâter celle qui nous rapproche de l'objet aimé. Il arriva enfin le moment si désiré. Je vis ma sœur, je vis Sophie, non moins belle et plus jolie que la première fois. Il y avait dans sa simple parure je ne sais quoi de plus adroit et de plus séduisant. Dans cette seconde visite, mes yeux détaillèrent pour ainsi dire ses charmes, et plus d'une fois nos regards se rencontrèrent pendant cet examen si doux. J'admirais sa longue chevelure noire, qui contrastait singulièrement avec sa peau fine, d'une blancheur éblouissante. Sa taille élégante et légère que j'aurais embrassée de mes 10 doigts, les grâces enchanteresses répandues sur toute sa personne, son pied mignon dont j'ignorais le favorable augure, et ses yeux, surtout, ses beaux yeux qui semblaient me dire « Ah, que nous aimerons l'heureux mortel qui saura nous plaire !» Je fis à Mademoiselle de Pontis un compliment qui dut d'autant plus la flatter qu'il était aisé de s'apercevoir que je ne l'avais pas préparé. La conversation fut d'abord générale, la gouvernante de Sophie s'en mêla. Je vis qu'on ménageait la vieille et qu'elle aimait à causer. Je trouvais charmant les sots contes qu'elle nous fit. Cependant, personne s'entretenait avec ma sœur, et moi, d'une voix basse et tremblante, je faisais à ma Sophie sans questions et sans compliments. La vieille continuait de raconter ces belles histoires que nous n'écoutions plus. Elle s'aperçut enfin qu'en parlant beaucoup, elle ne parlait à personne. Elle se leva brusquement et me dit « Monsieur, vous me faites commencer ma narration et vous n'écoutez pas la fin, cela est très malhonnête. » Sophie, en me quittant, me consola par un regard tendre. Nous entendîmes le bruit d'une voiture, c'est celle du baron. Il entra. Adélaïde se plaignit de la rareté de ses visites. Il allègue d'un ton assez contraint les embarras d'un établissement nouveau. Il causa quelques minutes d'un air préoccupé et se leva ensuite brusquement avec quelques signes d'impatience. Il retournait à l'hôtel et m'y ramena. Nous trouvâmes à la porte un équipage brillant. Le Suisse dit au baron qu'un gros monsieur noir l'attendait déjà depuis plus d'une heure, et qu'une Cholitam venait d'arriver à l'instant. Mon père apparut aussi joyeux que surpris, et il monta avec empressement. Je voulus le suivre, il me pria d'entrer chez moi. Jasmin, à qui je demandais s'il connaissait le gros monsieur noir et la Cholitam, me répondit que non. Curieux de pénétrer le mystère et piqué de ce que c'en était un pour moi, je me mis en sentinelle à l'une des fenêtres de mon appartement qui donnait sur la rue. Je n'y restais pas longtemps sans voir sortir un gros homme vêtu de noir qui parlait seul et paraissait content. Un quart d'heure après, je vis une jeune dame s'élancer légèrement dans sa voiture. Le baron, beaucoup moins ingambe, voulut sauter aussi lestement. Il pensa se rompre le col. Je fus effrayé, mais les éclats de rire qui partaient de la voiture me rassurèrent pleinement. Je m'étonnai que mon père, naturellement colère, ne donna aucun signe d'humeur. Il monta paisiblement, mit la tête à la portière, me vit à ma croisée et parut un peu confus. Je l'entendis ordonner au domestique de m'avertir qu'il sortait pour affaires et que je pouvais me dispenser de l'attendre à souper. Je fis part de ma curiosité à Jasmin, qui paraissait mériter ma confiance. Il questionna sans affectation les domestiques du baron. Je sus, le même soir, que mon père fréquentait les spectacles et lisait les papiers publics. Il venait de prendre une maîtresse à l'opéra et un intendant dans les petites affiches. J'en conclus qu'il fallait que le baron fût bien riche pour se charger de ce double fardeau. Au reste, cette réflexion ne me toucha que faiblement. Jamais j'avais l'espérance de plaire. Au printemps de la vie, connaît-on d'autres biens ? En peu de temps, je rendis à ma sœur des visites fréquentes. Mademoiselle de Pontis l'accompagnait presque toujours au parloir. La vieille gouvernante ne se fâchait plus parce que je la laissais finir ses histoires et que d'ailleurs Adélaïde avait soin de lui faire de petits présents. Monsieur Persson n'était plus cet instituteur sévère, possédé, comme tant d'autres confrères, de la rage d'enseigner ce qu'il ignorait. C'était, comme tant d'autres aussi, un petit pédant couleur de rose, toujours bien régulièrement coiffé, minutieux dans sa parure, relâché dans sa morale, développant avec les femmes une érudition profonde, affectant avec les hommes de n'effleurer que la superficie. Aussi doux et complaisant qu'il s'était d'abord montré intraitable et dur, il paraissait n'avoir d'autre désir que de prévenir les miens, et quand je parlais d'aller au couvent, je le trouvais aussi empressé que moi. Cependant mon père, livré aux plaisirs bruyants de la capitale, recevait beaucoup de monde chez lui. Je fus caressé du beau sexe, on me fit des agaceries que je ne compris pas. Certaines douairières surtout essaya sur moi le pouvoir de ses charmes. On se donna des airs enfantins, on épuisa les minauderies fines. Je n'entendis seulement pas ce que ce manège signifiait. D'ailleurs, je ne voyais dans le monde entier que Sophie, l'amour innocent et pur, m'enflammait pour elle. Depuis plus de 4 mois, je voyais Sophie presque tous les jours. L'habitude d'être ensemble était devenue pour nous un besoin. On sait que l'amour, quand il s'ignore lui-même ou quand il cherche à se déguiser, invente des noms caressants pour suppléer aux noms plus doux qu'il soupçonne et qu'il attend. Sophie m'appelait son jeune cousin, j'appelais Sophie ma jolie cousine. La tendresse qui nous animait brillait dans nos moindres actions, nos regards l'exprimaient. Ma bouche n'en avait point encore hasardé l'aveu et ma sœur ne devinait pas ou gardait le secret de sa bonne amie. Aveuglément livré aux premières impulsions de la nature, j'étais loin de soupçonner son but secret. Content de parler à Sophie, heureux de l'entendre et de baiser quelquefois sa jolie main, je désirais davantage. Je n'aurais pu dire ce que je désirais. Le moment approchait où l'une des plus charmantes femmes de la capitale allait dissiper les ténèbres qui m'environnaient et m'initier au plus doux mystère de Vénus. Nous étions dans cette saison bruyante où règnent à la ville les plaisirs avec la folie. Momus avait donné le signal de la danse, on touchait au jour gras. Le jeune comte de Rosembert, depuis 3 mois compagnon de mes exercices, et que mon père comblait d'honnêteté, me reprochait depuis quelques jours la vie tranquille et retirée que je menais. Devais-je à mon âge m'enterrer tout vivant dans la maison de mon père, et borner mes promenades à de sottes visites chez des béguines? Pour y voir quoi, ma sœur? N'était-il pas temps de sortir de mon enfance que l'on voulait prolonger éternellement, et ne devais-je pas me hâter d'entrer dans le monde où, avec ma figure et mon esprit, je ne pouvais manquer d'être favorablement accueilli? « Tenez, ajouta-t-il, je veux demain vous conduire à un bal charmant où je vais régulièrement 4 fois par semaine. Vous y verrez bonne compagnie. » J'hésitais encore. « Il est sage comme une fille, poursuivit le comte. Et mais craignez-vous que votre honneur ne court quelque hasard? Habillez-vous en femme. Sous des habits qu'on respecte, il sera bien à couvert. » Je me mis à rire sans savoir pourquoi. « En vérité, reprit-il, cela vous irait au mieux. Vous avez une figure douce et fine. Un léger duvet couvre à peine vos joues. Cela serait délicieux. Et puis, Tenez, je veux tourmenter certaines personnes. Chevalier, habillez-vous en femme, nous nous amuserons, cela sera charmant, vous verrez, vous verrez. » L'idée de ce travestissement me plut. Il me parut fort agréable d'aller voir Sophie sous les habits de son sexe. Le lendemain, un habile tailleur, que le comte de Rosembert avait fait avertir, m'apporta un habit d'Amazone complet, tel que le portent les dames anglaises quand elles montent à cheval. Un élégant coiffeur me donna le coup de peigne moelleux et posa sur ma tête virginale le petit chapeau de castor blanc. Je descendis chez mon père. Dès qu'il m'aperçut, il vint à moi d'un air d'inquiétude, puis, s'arrêtant tout d'un coup, « Bon, » dit-il en riant, « j'ai d'abord cru que c'était Adélaïde. » Je lui observai qu'il me flattait beaucoup. « Non, je vous ai pris pour Adélaïde et je cherchais déjà quel motif l'avait fait quitter son couvent sans ma permission, pour venir ici dans cet étrange équipage. Au reste, gardez-vous d'être fier de ce petit avantage. Une jolie figure est dans un homme le plus mince des mérites. » Monsieur du Portail était là. « Vous vous moquez, baron ? » s'écria-t-il. « Ne savez-vous pas ?» Mon père le regarda, il se tut. Ce fut mon père qui le premier témoigna le désir d'aller au couvent. Il m'y conduisit. Adélaïde ne me reconnut qu'après quelques moments d'examen. Le baron, enchanté de l'extrême ressemblance qu'il y avait entre ma sœur et moi, nous accablait de caresses et nous embrassait tour à tour. Cependant, Adélaïde se repentait d'être venue seule au parloir. « Que je suis fâchée, dit-elle, de ne pas avoir amené ma bonne amie, comme nous aurions joui de sa surprise. Mon cher papa, permettez-vous que je l'aille chercher ?» Le baron y consentit. En rentrant, Adélaïde dit à Sophie, « Ma bonne amie, embrassez ma sœur. » Sophie, interdite, m'examinait. Elle s'arrêta, confondue. « Embrassez donc, mademoiselle, » dit la vieille gouvernante, trompée par la métamorphose. « Mademoiselle, embrassez donc ma fille, » répéta le baron que la scène amusait. Sophie rougit et s'approcha en tremblant. Mon cœur palpitait. Je ne sais quel secret instinct nous conduisit, je ne sais avec quelle adresse nous dérobâmes notre bonheur aux témoins intéressés qui nous observaient. Ils crurent que dans cette douce étreinte, nos joues seulement s'étaient rencontrées. Mes lèvres avaient pressé les lèvres de Sophie. C'était le premier baiser de l'amour. À notre retour, nous trouvâmes à l'hôtel M. de Rosembert qui m'attendait. Le baron sut bientôt de quoi il s'agissait et me permit, plus aisément que je ne l'aurais cru, de passer la nuit entière au bal. Sa voiture nous y conduisit. « Je vais, me dit le comte, vous présenter une jeune dame qui m'estime beaucoup. Il y a 2 grands mois que je lui ai juré une ardeur éternelle et plus de 6 semaines que je la lui prouve. » Ce langage était pour moi tout à fait énigmatique, mais déjà je commençais à rougir de mon ignorance. Je souris d'un air fin pour faire croire à Rosembert que je le comprenais. « Comme je vais la tourmenter, » continua-t-il. « Ayez l'air de m'aimer beaucoup. Vous verrez quelle mine elle fera. Surtout, ne vous avisez pas de lui dire que vous n'êtes pas fille. Oh, nous allons la désoler. » Dès que nous parûmes dans l'assemblée, tous les regards se fixèrent sur moi. J'en fus troublé. Je sentis que je rougissais. Je perdis toute contenance. Il me vint d'abord dans l'esprit que quelque partie de mon ajustement était mal arrangée, ou que mon maintien emprunté m'avait trahi. Mais bientôt, à l'empressement général des hommes, au mécontentement général des femmes, je jugeai que j'étais bien déguisé. Celle-ci me jetait un regard dédaigneux, celle-là m'examinait d'un petit air boudeur. On agitait les éventails, on se parlait tout bas, on souriait malignement. Je vis que je recevais l'accueil dont on honore, dans un cercle nombreux, une rivale trop jolie qu'on y voit pour la première fois. Une très belle femme entra. C'était la maîtresse du comte. Il lui présenta sa parente qui sortait, disait-il, du couvent. La dame, elle s'appelait la marquise de B, m'accueillit très obligeamment. Je pris place auprès d'elle, et les jeunes gens firent un demi-cercle autour de nous. Le comte, bien aise d'exciter la jalousie de sa maîtresse, affectait de me donner une préférence marquée. La marquise, apparemment piquée de sa coquetterie, et bien résolue de l'en punir, en lui dissimulant le dépit qu'elle en ressentait, redoubla pour moi de politesse et d'amitié. « Mademoiselle, avez-vous du goût pour le couvent ? » me dit-elle. « Je l'aimerais bien, madame, s'il s'y trouvait beaucoup de personnes qui vous ressemblassent. » La marquise me témoigna par un sourire combien ce compliment la flattait. elle me fit plusieurs autres questions, parut enchantée de mes réponses, m'accabla de ces petites caresses que les femmes se prodiguent entre elles, dit à Rosenberg qu'il était trop heureux d'avoir une telle parente, et finit par me donner un baiser tendre que je lui rendis poliment. Ce n'était pas ce que Rosenberg voulait, ni ce qu'il s'était promis. Désolé de la vivacité de la marquise et plus encore de la bonne foi avec laquelle je recevais ses caresses, il se pencha à son oreille et lui découvrit le secret de mon déguisement. « Bon, quelle apparence !» s'écria la marquise, après m'avoir considéré quelques moments. Le comte protesta qu'il avait dit la vérité. Elle me regarda de nouveau. « Quelle folie! Cela ne se peut pas !» Et le comte renouvela ses protestations. « Quelle idée !» reprit la marquise en baissant la voix. « Savez-vous ce qu'il dit? Il soutient que vous êtes un jeune homme déguisé. » Je répondis timidement et bien bas qu'il disait la vérité. La marquise me lança un regard tendre, me serra doucement la main, et feignant de m'avoir mal entendu. « Je le savais bien, » dit-elle assez haut. « Cela n'avait pas l'ombre de vraisemblance. » Puis s'adressant au comte, « Mais, monsieur, à quoi cette plaisanterie ressemble-t-elle ? » ?»« Quoi ? » reprit celui-ci très étonné. « Mademoiselle prétend... »« Comment, si elle le prétend, mais voyez donc, une enfant si aimable, une aussi jolie personne !»« Quoi ?» dit encore le comte. « Oh, monsieur, finissez !» reprit la marquise avec une humeur très marquée. « Vous me croyez folle ou vous êtes fou ?» Je crus de bonne foi qu'elle ne m'avait pas compris. Je baissai la voix. « Je vous demande pardon, madame. Je me suis peut-être mal expliqué. Je ne suis pas ce que je parais être. Le comte vous a dit la vérité. »« Je ne vous crois pas plus que lui, » répondit-elle, en affectant de parler encore plus bas que moi. Elle me serra la main. « Je vous assure, madame. Taisez-vous, vous êtes une friponne. Mais vous ne me ferez pas prendre le change plus que lui. » Et elle m'embrassa de nouveau. Rosenberg, qui ne nous avait pas entendus, demeura stupéfait. La jeunesse qui nous environnait paraissait attendre avec autant de curiosité que d'impatience la fin de l'explication d'un dialogue aussi obscur pour elle. Mais le comte, retenu par la crainte de déplaire à sa maîtresse en se couvrant lui-même de ridicule, se flattant d'ailleurs que je finirais bientôt le quiproquo, se mordait les lèvres et n'osait plus dire un mot. Heureusement, la marquise vit entrer la comtesse de X, son amie. Je ne sais ce qu'elle lui dit à l'oreille, mais aussitôt la comtesse s'attacha à Rosenberg et ne le quitta plus. Cependant, le bal était commencé. Je figurais dans une contredanse. Le hasard voulut que la comtesse et Rosenberg se trouvassent assis derrière la place que j'occupais. La jeune dame lui disait « Non, non, tout cela est inutile. Je me suis emparée de vous pour toute la soirée, je ne vous cède à personne. Plus jalouse qu'un sultan, je ne vous laisse parler à qui que ce soit. Vous ne danserez pas ou vous danserez avec moi. Et si vous pensez tout ce que vous me dites d'obligeant, je vous défends de dire un mot, un seul mot à la marquise, ni à votre jeune parente. » « Ma jeune parente, » interrompit le comte, « si vous saviez. » « Je ne veux rien savoir. Je prétends seulement que vous restiez là. » « Eh mais, » ajouta-t-elle légèrement, « j'ai peut-être des projets sur vous. Allez-vous faire le cruel ?» Je n'en entendis pas davantage. La contredanse finissait. La marquise ne m'avait pas perdu de vue un moment. Je voulus me reposer. Je trouvai une place auprès d'elle. Nous commençâmes, reprîmes, quittâmes et reprîmes 20 fois une conversation fort animée, souvent interrompue par ses caresses, et dans laquelle je vis bien qu'il fallait lui laisser une erreur qui paraissait lui plaire. Le comte ne cessait de nous observer avec une inquiétude très marquée. La marquise ne paraissait pas s'en apercevoir. « Mon intention, me dit-elle enfin, n'est pas de passer ici la nuit entière, et, si vous m'en croyez, vous ménagerez votre santé. Acceptez chez moi une collation légère. Il est plus de minuit. Monsieur le marquis ne tardera pas à venir me joindre. Nous irons souper chez moi, ensuite je vous reconduirai moi-même chez vous. Au reste, ajouta-t-elle d'un air négligé, c'est un singulier homme que monsieur de B. Il lui prend de temps en temps des caprices de tendresse pour moi. Il a des accès de jalousie fort ridicules, des airs d'attention dont je le dispenserai volontiers. Quant à la fidélité qu'il me jure, je n'y crois pas plus que je ne m'en soucie. Cependant, je ne serai pas fâché de la mettre à l'épreuve. Il va vous voir, il vous trouvera charmante. Vous ne recommencerez pas alors ce petit conte de votre déguisement. C'est une jolie plaisanterie, mais nous l'avons épuisée. Aussi, loin de la répéter devant monsieur de B, vous voudrez bien, s'il ne vous répugne pas de m'obliger un peu, vous voudrez bien lui faire quelques avances. Je demandai à la marquise ce que c'était que des avances. Elle rit de bon cœur de l'ingénuité de ma question, et puis, me regardant d'un air attendri, « Écoutez, me dit-elle, vous êtes femme, cela est clair. Ainsi, toutes les caresses que je vous ai faites ce soir ne sont que des amitiés. Mais si vous étiez effectivement un jeune homme déguisé, et que le croyant, je vous eusse traité de la même manière, cela s'appellerait des avances, et des avances très fortes. » Je lui promis de faire des avances au marquis. « Fort bien, souriez à ses propos. Regardez-le d'un certain air. Mais ne vous avisez pas de lui serrer la main comme je vous fais, et de l'embrasser comme je vous embrasse. Cela ne serait ni décent ni vraisemblable. » Nous étions là quand le marquis arriva. Il me parut jeune encore. Il était assez bien fait, mais d'une taille fort petite, et ses manières ressemblaient à sa taille. Sa figure avait de la gaieté, mais de cette gaieté qui est fait qu'on rit toujours aux dépens de celui qui l'inspire. « Voici mademoiselle du Portail, lui dit la marquise, je m'étais donné ce nom. C'est une jeune parente du comte. Vous me remercierez de vous l'avoir fait connaître. Elle veut bien venir souper avec nous. » Le marquis trouva que j'avais la physionomie heureuse. Il me prodigua des éloges ridicules. Je l'en remerciai par des compliments outrés. « Je suis très content, me dit-il, d'un air pesant, qu'il croyait fin. Que vous me fassiez l'honneur de souper chez moi, mademoiselle. Vous êtes jolie, très jolie, et ce que je vous dis là est certain car je me connais en physionomie. » Je répondis par le plus agréable sourire. « Ma chère enfant, me disait la marquise, de l'autre côté, j'ai engagé votre parole, vous êtes trop poli pour me dédire. Au reste, je vous débarrasserai du marquis dès qu'il vous ennuiera. » Elle me serra la main, le marquis la vit. « Oh, que je voudrais, dit-il, tenir une de ces petites mains-là dans les miennes. » Je lui lançai une œillade meurtrière. « Partons, mesdames, partons, s'écria-t-il d'un air léger et conquérant. Il sortit pour appeler ses gens. Le comte, qui l'entendit, vint à nous, quelques efforts que la comtesse eut faits pour le retenir. Il me dit d'un ton sérieusement ironique, « Monsieur se trouve sans doute fort bien sous ses habits galants. Il ne compte pas apparemment désabuser la marquise. » Je répondis sur le même ton, mais en baissant la voix, « Mon cher parent, voudriez-vous si tôt détruire votre ouvrage ?» Il s'adressa à la marquise. « Madame, je me crois en conscience obligé de vous avertir encore une fois que ce n'est point mademoiselle du Portail qui aura le bonheur de souper chez vous, mais bien le chevalier de Faublas, mon très jeune et très fidèle ami. « Et moi, monsieur, lui répondit-on, je vous déclare que vous avez trop compté sur ma patience ou sur ma crédulité. Ayez la bonté de cesser cet impertinent badinage, ou décidez-vous à ne me revoir jamais. » Je me sens le courage de prendre l'un et l'autre parti, madame. Je serais désolé de troubler vos plaisirs par mes indiscrétions, ou de les gêner par mes importunités. » Le marquis rentrait au moment même. Il frappa sur l'épaule de Rosambert, et le retenant par le bras. « Quoi, tu ne soupes pas avec nous? Tu nous laisses ta parente? Sais-tu qu'elle est jolie, ta parente? Sais-tu que sa physionomie promet ?» Il baissa la voix. « Mais entre nous, je crois la petite personne un peu vive. » « Oh oui, très jolie et très vive, » reprit le comte avec un sourire amer. « Elle ressemble à bien d'autres. » Et puis, comme s'il eût pressenti le sort prochain de ce bon mari, « Je vous souhaite une bonne nuit, » lui dit-il. « Quoi ? Penses-tu, » reprit le marquis, « que je garde ta parente pour... »« Je vous souhaite une bonne nuit, » répéta le comte, et il sortit en éclatant de rire. La marquise soutint que M. de Rosambert devenait fou. Je trouvais qu'il était fort malhonnête. « Point du tout, » me dit confidemment le marquis. « Il vous aime à la rage. Il a vu que je vous faisais ma cour. Il est jaloux. » En 5 minutes, nous fûmes à l'hôtel du marquis. On servit aussitôt. Je fus placé entre la marquise et son galant époux, qui ne cessait de me dire ce qu'il croyait de très jolies choses. Trop occupé d'abord à satisfaire l'appétit tout à fait mâle que la danse m'avait donné, je n'employai pour lui répondre que le langage des yeux. Dès que ma faim fut un peu calmée, j'applaudis sans ménagement à toutes les sottises qu'il lui plut de me débiter, et ses mauvais bons mots lui valurent 1000 compliments dont il fut enchanté. La marquise, qui m'avait toujours considéré avec la plus grande attention et dont les regards s'animaient visiblement, s'empara d'une de mes mains. Curieux de voir jusqu'où s'étendrait le pouvoir de mes charmes trompeurs, j'abandonnai l'autre au marquis. Il la saisit avec un transport inexprimable. La marquise, plongée dans des réflexions profondes, semblait méditer quelque projet important. Je la voyais successivement rougir et trembler, et sans dire un seul mot, elle pressait légèrement ma main droite engagée dans les siennes. Ma main gauche était dans une prison moins douce. Le marquis la serrait de manière à me faire crier. Charmé de sa bonne fortune, tout fier de son bonheur, tout étonné de l'adresse avec laquelle il trompait sa femme en sa présence même, il poussait de temps en temps de longs soupirs dont j'étais étourdi et des éclats de rire dont le plafond retentissait. Ensuite, craignant de se trahir, cherchant à étouffer ce rire éclatant que la marquise aurait pu remarquer, peut-être aussi croyant me faire une gentillesse, il me mordait les doigts. La belle marquise sortit enfin de sa rêverie pour me dire « Mademoiselle du Portail, il est tard. Vous deviez passer la nuit entière au bal. On ne vous attend pas chez vous avant 8 ou 9 heures du matin. Restez chez moi. J'offrirai à tout autre un appartement d'amis. Vous pouvez disposer du mien. Je dois, ajouta-t-elle d'un ton caressant, vous servir aujourd'hui de maman. Je ne veux pas que ma fille ait une autre chambre que la mienne. Je vais lui faire dresser un lit près du mien. » « Et pourquoi donc faire dresser un lit ?» interrompit le marquis. « On est fort bien deux dans le vôtre. Quand je vais vous y trouver, moi, est-ce que je vous gêne? J'y dors tout d'un somme, et vous aussi. » En finissant, il me donna amoureusement, par-dessous la table, un grand coup de genou qui me froissa la peau. Je répondis à cette galanterie-là sur le champ de la même manière et si vigoureusement qu'il lui échappa un grand cri. La marquise se leva d'un air alarmé. « Ce n'est rien. » lui dit-il. « Ma jambe a accroché la table. » J'étouffai de rire. La marquise n'y tint pas plus que moi, et son cher époux, sans savoir pourquoi, se mit à rire plus fort que nous deux. Quand notre excessive gaieté fut un peu modérée, la marquise me renouvela ses offres. « Acceptez la moitié du lit de madame, » cria le marquis. « Acceptez. Je vous le dis, vous y serez bien. Je vais revenir tout à l'heure, mais acceptez. » Il nous quitta. « Madame, dis-je à la marquise, votre invitation m'honore autant qu'elle me flatte. Mais est-ce à Mademoiselle du Portail ou à Monsieur de Faublas que vous la faites ?»« Encore cette mauvaise plaisanterie du comte, petite friponne, et c'est vous qui la répétez. Ne vous ai-je pas dit que je ne vous croyais pas ?»« Mais, madame, paix, paix, » reprit-elle en posant son doigt sur ma bouche, « le marquis va rentrer, qu'il ne vous entende pas dire de pareille folie. » Cette charmante enfant, elle m'embrassa tendrement. Comme elle est timide et modeste, mais comme elle est maligne. Allons, petit espiègle, venez. » Elle me tendit la main, nous passâmes dans son appartement. Il était question de me mettre au lit. Les femmes de la marquise voulurent me prêter leur ministère. Je les priai en tremblant d'offrir à leur maîtresse leur service dont je saurais bien me passer. « Oui, dit la marquise, attentive à tous mes mouvements, ne la gênez pas. C'est un enfantillage de couvent, laissez-la faire. » Je passai promptement derrière les rideaux, mais je me trouvais dans un grand embarras quand il fallut me dépouiller de ces habits dont l'usage m'était si peu familier. Je cassai les cordons, j'arrachai les épingles, je me piquais d'un côté, je me déchirais de l'autre. Plus je me hâtais, et moins j'allais vite. Une femme de chambre passa près de moi au moment où je venais d'ôter mon dernier jupon. Je tremblais qu'elle n'entr'ouvrît les rideaux. Je me précipitai dans le lit, émerveillé de la singulière aventure qui m'avait conduit là, mais ne soupçonnant pas encore qu'on pût avoir, en couchant d'eux, d'autres désirs que de causer ensemble avant de s'endormir. La marquise ne tarda pas à me suivre. La voix de son mari se fit entendre. « Ces dames me permettront bien d'assister à leur coucher. Quoi ? Déjà au lit ?» Il voulut m'embrasser. La marquise se fâcha sérieusement. Il ferma lui-même les rideaux, et nous rendant le souhait que lui avait fait le comte, il nous cria de la porte « Une bonne nuit. » Un silence profond régna quelques instants. Dormez-vous déjà, belle enfant ? Me dit la marquise d'une voix altérée. Oh non, je ne dors pas. Elle se précipita dans mes bras et me pressa contre son sein. Dieu ! S'écria-t-elle, avec une surprise bien jouée, si elle était feinte, c'est un homme. Et puis me repoussant avec promptitude. Quoi, monsieur, il est possible ? Madame, je vous l'ai dit. Répliquai-je en tremblant. Vous me l'avez dit, monsieur, mais cela était-il croyable? Il s'agissait bien de le dire. Il ne fallait pas rester chez moi, ou du moins, il ne fallait pas empêcher qu'on vous dressât un autre lit. Madame, ce n'est pas moi, c'est monsieur le marquis. Mais, monsieur, parlez donc plus bas. « Monsieur, il ne fallait pas rester chez moi, il fallait vous en aller. »« Eh bien, madame, je m'en vais. » Elle me retint par le bras. « Vous vous en allez, où cela, monsieur? Et quoi faire? Réveiller mes femmes? Risquer un esclandre? Peut-être montrer à tous mes gens qu'un homme est entré dans mon lit, qu'on me manque à ce point? Madame, je vous demande pardon, ne vous fâchez pas. Je m'en vais me jeter dans un fauteuil. » « Oui, dans un fauteuil, oui, sans doute, il le faut. » Mais voyez la belle ressource. » Et me retenant toujours par le bras, fatigué comme il est, par le froid qu'il fait, s'enrhumer, détruire sa santé, vous mériteriez que je vous traitasse avec cette rigueur. Allons, restez là, mais promettez-moi d'être sage. Pourvu que vous me pardonniez, madame. Non, je ne vous pardonne pas, mais j'ai plus d'attention pour vous que vous n'en avez pour moi. Voyez comme sa main est déjà froide. Et, par pitié, elle la posa sur son col d'ivoire. Guidée par la nature et par l'amour, cette heureuse main descendit un peu. Je ne savais quelle agitation faisait bouillonner mon sang. « Aucune femme éprouva-t-elle jamais l'embarras où il me met ?» reprit la marquise d'un ton plus doux. « Ah, pardonnez-moi donc, ma chère maman. »« Oui, votre chère maman. Vous avez bien des égards pour votre maman, petit libertin que vous êtes. » Ses bras, qui m'avaient repoussé d'abord, m'attiraient doucement. Bientôt, nous nous trouvâmes si près l'un de l'autre que nos lèvres se rencontrèrent. J'eus la hardiesse d'imprimer sur les siennes un baiser brûlant. « Faublas, est-ce là ce que vous m'avez promis ?» me dit-elle, d'une voix presque éteinte. Sa main s'égara, un feu dévorant circulait dans mes veines. « Ah, madame, pardonnez-moi, je me meurs. »« Ah, mon cher Faublas, mon ami !» Je restais sans mouvement. La marquise eut pitié de mon embarras, qui ne pouvait lui déplaire. Elle aida ma timide inexpérience. Je reçus avec autant d'étonnement que de plaisir une leçon que je répétais plus d'une fois. Nous employâmes plusieurs heures dans ce doux exercice. Je commençais à m'endormir sur le sein de ma belle maîtresse quand j'entendis le bruit d'une porte qui s'ouvrait doucement. On entrait, on s'avançait sur la pointe du pied. J'étais sans armes dans une maison que je ne connaissais point. Je ne pus me défendre d'un mouvement d'effroi. La marquise, qui devina ce que c'était, me dit tout bas de prendre sa place et de lui céder la mienne. J'obéis promptement. À peine m'étais-je tapis sur le bord du lit qu'on entr'ouvrit les rideaux du côté que je venais de quitter. « Qui vient me réveiller ainsi ?» dit la marquise. On hésita quelques instants, ensuite on s'expliqua sans lui répondre. « Et quelle est cette fantaisie ? » continua-t-elle. « Quoi, monsieur ? Vous choisissez aussi mal votre temps, sans attention pour moi, sans respect pour l'innocence d'une jeune personne qui peut-être ne dort pas ou qui pourrait se réveiller. Vous n'êtes guère raisonnable, je vous prie de vous retirer. » Le marquis insistait, en balbutiant à sa femme de comiques excuses. « Non, monsieur, lui dit-elle, je ne le veux point. Cela ne sera point. Je vous supplie de vous retirer. » Elle se jeta hors du lit, le prit par le bras et le mit à la porte. Ma belle maîtresse revint à moi en riant. « Ne trouvez-vous pas mon procédé bien noble ? » me dit-elle. « Voyez ce que j'ai refusé à cause de vous. » Je sentis que je lui devais un dédommagement. Je l'offris avec ardeur. On l'accepta avec reconnaissance. Une femme de 25 ans est si complaisante quand elle aime. La nature a tant de ressources dans un novice de 16 ans. Cependant, tout est borné chez les faibles humains. Je ne tardais pas à m'endormir profondément. Quand je me réveillais, le jour pénétrait dans l'appartement malgré les rideaux. Je songeais à mon père. Hélas, je me souvins de ma Sophie. Une larme s'échappa de mes yeux. La marquise s'en aperçut. Déjà capable de quelques dissimulations, j'attribuais au chagrin de la quitter la pénible agitation que j'éprouvais. Elle m'embrassa tendrement. Je la vis si belle, l'occasion était si pressante. Quelques heures de sommeil avaient ranimé mes forces. L'ivresse du plaisir dissipa les remords de l'amour. Il fallut enfin songer à nous séparer. La marquise me servit de femme de chambre. Elle était si adroite que ma toilette eût été bientôt faite si nous avions pu sauver les distractions. Quand nous crûmes qu'il ne manquait plus rien à mon ajustement, la marquise sonna ses femmes. Le marquis attendait depuis plus d'une heure qu'il fît jour chez madame. Il me complimenta sur ma diligence. « Je suis sûr, me dit-il, que vous avez passé une excellente nuit. » Et sans me donner le temps de répondre, « Elle paraît fatiguée pourtant. Elle a les yeux battus. Voilà ce que c'est que cette danse. On s'en donne par-dessus les yeux, et le lendemain, on n'en peut plus. Je dis tous les jours à la marquise qui n'en tient compte. Allons, il faut réparer les forces de cette charmante enfant. Après cela, nous la reconduirons chez elle. Ce « nous la reconduirons » était très propre à m'inquiéter. Je témoignai au marquis qu'il suffirait que la marquise prît cette peine. Il insista. La marquise se joignit à moi pour lui faire perdre cette idée. Il nous répondit que M. du Portail ne pouvait trouver mauvais qu'il lui ramenât sa fille, puisque la marquise serait avec nous, et qu'il était curieux de connaître le repère d'une aussi aimable enfant. Quelques efforts que nous fissions, nous ne pûmes l'empêcher de nous accompagner.